Josué chapitre 12. Or ce sont ici les rois du pays, que les enfants d'Israël frappèrent, et dont ils possédèrent le pays au-delà du Jourdain vers le soleil levant, depuis le torrent d'Arnon jusqu'à la montagne d'Hermon, et toute la campagne vers l'Orient savoir Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et qui dominait depuis Aroé, qui est sur le bord du torrent d'Arnon, et depuis le milieu du torrent, et la moitié de Galaa, même jusqu'au torrent de Jébo, qui est la frontière des enfants de Ammon, et depuis la campagne jusqu'à la mer de Kinnaroth vers l'Orient, et jusqu'à la mer de la campagne, qui est la mer Salée, vers l'Orient, au chemin de Beth-Josimoth, et depuis le midi au-dessous d'Asdod de Pisga. Et les contrées d'eau, roi de Bazan, qui était du reste des Réphaïm, et qui habitait à Astaroth et à Edrei, et qui dominait en la montagne d'Hermon, et à Salka, et partout Bazan, jusqu'aux limites des Gézuriens et des Maacatiens, et de la moitié de Galaa, frontière de Sion, roi d'Hesbon. Moïse serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël les bâtirent, et Moïse serviteur de l'Éternel en donna la possession aux Rubénites, et aux Gadites, et à la moitié de la tribu de Manassé. Et ce sont ici les rois du pays, que Josué et les enfants d'Israël, frappèrent au-dessus du Jourdain vers l'Occident, depuis Baalga, en la campagne du Liban, jusqu'à la montagne d'Alakimonde vers Seir, et que Josué donna aux tribus d'Israël en possession, selon leur portion, pays consistant en montagne, et en plaine, et en campagne, et en colline, et en pays de déserté. De midi, les Éthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, et les Jébusiens. Un roi de Jéricho, un roi de Haï, laquelle était à côté de Bethel, un roi de Jérusalem, un roi d'Hébron, un roi de Jarmuth, un roi de Laki, un roi d'Églon, un roi de Gézé, un roi de Débir, un roi de Guédé, un roi d'Orma, un roi de Hara, un roi de Libna, un roi d'Adulam, un roi de Makeda, un roi de Bethel, un roi de Tapua, un roi d'Éphé, un roi d'Aphé, un roi de Saron, un roi de Madon, un roi d'Atsor, un roi de Saron-Meron, un roi d'Aksaph, un roi de Taanach, un roi de Megiddo, un roi de Kedeh, un roi de Jokneam de Carmel, un roi de Dor, près de Naphoth Dor, un roi de Gojim, près de Gilgal, un roi de Tirtsa, en tout 31 rois.